Zéro. Et... zéro. On laisse. Je te dis quoi là, doucement. Thank you. Et si je me concentre pas dans le coin, pas dans le coin, pas dans le coin, j'ai bien pensé à le détecter. Peut-être que là, ça va mieux. Mais c'est peut-être toujours que je fais aussi, c'est possible.